Divers pays ont rapporté du 13 au 20 courant les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse laotienne, l'agence de presse Gyodo du Japon, le homepage d'internet irkutskblogspot.ru de Russie, le journal Takanbao et la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong, les réseaux Planète et Nord-Est de Chine, le homepage d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections et les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme et kimjonglisme et du Comité national d'études des études du Congo démocratique ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a inspecté l'usine de transformation des céréales de Pyongyang, réaménagée à la hauteur de l'époque de l'économie du savoir et d'une puissance socialiste hautement civilisée. La VOA, le site d'internet Google News des États-Unis, le homepage d'internet irkutskblogspot.ru de Russie ont informé de son inspection de l'Université de la Défense nationale. Le journal népalais Arfan et les homepages d'internet de l'Association des journalistes népalais d'études des études et de la politique de Sengun et de l'Association d'amitié Népal-Corée et les homepages d'internet allemands et nigériens ont inséré la nouvelle de sa visite à l'usine de préparation du kimchi du Gyeong nouvellement construite. Le homepage d'internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée a annoncé son assistance à la représentation artistique des enfants « Nous n'avons rien envié dans le monde » consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, son inspection du chantier de construction de la savonnerie de Ryong-Aksan et sa visite à la colonie de vacances de Mangyongdae réaménagée. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal coréen.